j'arrive en force, tout se corse. Sur la mélodie j'écorche tous les détracteurs, incapables de garder leur langue dans leur poche. Pendant qu'ils critiquent, à ma tâche je m'applique. Les années de galère n'ont fait que raffiner ma technique. Fluide sur le microphone, les MC restent à fun. Quand dissous leur donne, spontanément des rimes à la tonne. Le but du jeu n'est pas pour moi la compétition. Le pognon n'est aucunement la base de mon implication. Absorbe cette dose de son sans quelconque prescription. Laisse-toi entraîner par la basse, avoue que c'est bon. Comme un gnome de chut, je consume lentement le beat. Rien ne vient à point au MC qui se précipite. Un soupçon de bon sens, une dose de patience sont les ingrédients essentiels si tu comptes entrer dans la danse. Dans la danse, l'union fera notre force. L'attitude positive permettra d'ouvrir d'autres portes. Quand t'es aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, dogmatique se joindra au bataillon. Des combattants du hip-hop sans équivoque pour que le rap français s'installe en beauté. Quand t'es aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, Montréal se joindra au bataillon. Des combattants du hip-hop sans équivoque pour que le rap français s'installe en beauté. De l'autre côté de ton téléviseur, simple spectateur, le mythe prend de plus en plus d'ampleur. À cette heure, on a des facsimilés de nos vies imprimées dans tous les quartiers. Demande à ton disquaire préféré. Mais si vous croyez qu'on roule sur l'or, ne sors jamais sans garde du corps. De rire, j'en suis déjà mort. Viens voir ce qui se passe derrière. Le rideau tombé à terre, la vie qu'on s'affaire à faire, tu connais l'air. Et même si de fatigue nos yeux se plissent, pour que le dogmatique reste en tête de liste, on persiste. Tandis que les faux rugissent, sur nos rimes ils pâlissent. Nous revoilà posés sur le mix, tout glisse. Malgré les vents et marées, en poste nous sommes toujours restés. Dans ce métier, pas le secret, seul le travail paye. Sortis de leur carapace, les MC refont surface, mais plus à la face cachée, sachez. Quand t'es aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, dogmatique se joindra au bataillon. Des combattants du rapport, sans équivoque, pour que le rap français s'installe en beauté. Quand t'es aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, Montréal se joindra au bataillon. Des combattants du rapport, sans équivoque, pour que le rap français s'installe en beauté. Clique, le dogmatique authentique Montréal et les alentours auxquels je donne tout mon amour. Lentement mais sûrement le travail a porté fruit. La scène se construit, le mouvement se solidifie. Chaque jour, des MC naissent, extériorisent leur frustration à travers la musique. C'est mieux que ceux qui blessent. Laisse libre cours à ton imagination. Il n'est pas nécessaire de déconner pour attirer l'attention. Le mérite revient à celui qui met du cœur à l'ouvrage. Bien que la situation de nombreux décourage, une image salie par des conflits côte est, côte ouest. Les vies de MC ont été malheureusement le prix. C'est cher payé pour des banalités. Et moi qui croyais les querelles de clocher à notre époque dépassée, j'essaie de m'en dissocier, me focaliser. Montréal m'escorte pour qu'ensemble nous puissions avancer. Tentez aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, dogmatique se joindra au bataillon. Des combattants du hip-hop sans équivoque pour que le rap français s'installe en beauté. Tentez aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, Montréal se joindra au bataillon. Des combattants du hip-hop sans équivoque pour que le rap français s'installe en beauté. Tentez aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, dogmatique se joindra au bataillon. Des combattants du sans équivoque pour que le rap français s'installe en beauté. Tentez aussi longtemps qu'il y aura du son, sans hésitation, Montréal se joindra au bataillon.